Voici la chronique Blockbuster, c'est à vous Frédéric Sigrist. Merci Mathilde. Musique. Vous pouvez chanter chez vous. Les quatre coins de l'univers, comment triomphe le mal. Eh oui, les chevaliers du Zodiaque. Donc si j'ai bien compris, après avoir parlé de Dragon Ball la semaine dernière, aujourd'hui on a droit aux chevaliers du Zodiaque. Vous allez tous les faire ? Mais j'y peux rien, moi Mathilde, j'y peux rien. Ma génération, il faut comprendre, on est les nouveaux vieux. Hein ? Pas plus tard que ce matin, en régie, je montrais la bande-annonce du nouveau John Wick, j'entends derrière moi, oh bah ça vaut pas Riptide. C'était moi, Frédéric. Oui, bah c'est bien ce que je dis, on est les nouveaux vieux. Qui puis-je, si l'imaginaire de 2022 ressemble à un réservoir de voitures en période de blocage de raffinerie ? Qui puis-je, si dès que les gens sont stressés, ils ont besoin de retrouver leur doudou et de se retourner vers les héros de leur enfance ? Regardez François Bayrou. Il a laissé échapper que la présidentielle de 2027, eh ben pourquoi pas? S'il y a bien un truc que François Bayrou nous apprend, c'est qu'un homme, ça n'arrive pas à tourner la page. Donc oui, ce matin, je l'avoue, de nouveau, les chevaliers du Zodiaque. Les chevaliers qui ont existé en manga et en dessin animé ensuite dans le Club Dorothée, ils sont de retour cette fois sous la forme d'une bande dessinée réalisée par des auteurs français. Oui Mathilde, après les bandes dessinées Capitaine Albator et Goldorak, des BD françaises qui ont prolongé le mythe de ces héros de notre enfance et qui ont eu un gros succès, on a aujourd'hui droit à une suite française des djihadistes. Du Zodiac. Oui, je dis djihadiste parce que je vous rappelle l'histoire des chevaliers du Zodiac quand même. Saint Seiya en version originale, c'est tout de même une bande d'orphelins envoyés dès l'enfance dans des camps d'entraînement super violents qui à l'adolescence reviennent avec une armure complètement conditionnée, prêts à faire la guerre et à mourir pour leur déesse Athéna à chaque épisode. Athéna qui leur parle dans leur tête et qui arrête pas de répéter « Seiya, fais exploser ton cosmos, ouais, fais exploser ton cosmos, fais exploser ton cosmos !» Par l'émetteur de Pégase, c'est la traduction littérale de « Athéna Wakbar » à mon avis. Au Japon, il y a déjà eu des suites des Chevaliers du Zodiaque. Mais plein Mathilde, parce que Saint Seiya est à Masami Kurumada, son créateur, ce que Born to be Alive est à Patrick Hernandez. Une honte. On a eu droit à Saint Seiya Next Dimension, Saint Seiya épisode G, Saint Seiya Santiacho, Saint Seiya chez les Soviets. Il y a eu un dessin animé Netflix à ne regarder qu'en cas d'intoxication alimentaire tellement c'est mauvais. Oh. Mais c'est la première fois que Masami Kurumada adoube un projet fait par des auteurs français. Saint Seiya Time Odyssey, scénarisé par Arnaud Dolan et dessiné par Jérôme Alquier, qui vous un véritable culte à cette œuvre depuis des années. Donc là, on est vraiment en face d'un passionné avec cet homme. Est-ce que cette version française est à la hauteur du mythe des Chevaliers du Zodiaque ? Eh bien oui, parce que Time Odyssey est autant un hommage à l'œuvre de Masami Kurumada qu'à l'adaptation des dessins animés de Saint Seiya. Parce que derrière le dessin animé culte du Club Dorothée, il y avait un couple d'illustrateurs de génie. Michi Himeno et Shingo Araki, deux individus à qui l'on doit le look longiligne et élégant par exemple de Lady Oscar, Ulysse 31, Cat Size et Goldorak. Les France Gall, Michel Berger de l'animation japonaise, Julien. C'est pour toi que je parle. Hein. Ah, ça va te parler comme comparaison. Et Jérôme Alquier arrive graphiquement à rendre hommage à tous ses talents. Alors certaines cases sont un peu maladroites ou trop petites pour rendre justice à la puissance et la fluidité de Chevalier, mais d'autres sont tout bonnement magnifiques. Niveau scénario, on est en terrain connu, c'est la mythologie grecque pour les nuls, il y a des méchants chevaliers qui en veulent à Athéna et aux chevaliers de bronze, Seiya se prend toujours des raclées, Iki, le chevalier du phénix, est toujours un loup solitaire au grand cœur, Shiryu est toujours aveugle un jour sur deux, Andromède rêve toujours de planter des potirons dans une ZAD, et Yoga ne suit toujours pas de thérapie pour parler de sa mère. Bref, c'est du chevalier du Zodiaque pur jus. Et comme quoi, la première ministre Edith Cresson comparait des Japonais à des fourmis travailleuses, mais en attendant, entre Albator, Goldorak et les chevaliers du Zodiaque aujourd'hui, eh bien ce sont les dessinateurs français qui terminent leur série. Allez, ils méritent qu'on redonne leur nom, hein. Arnaud Dolan, c'est ça ? Oui. Et Jérôme Alquier. Jérôme Alquier, voilà. Jérôme Alquier. Merci Frédéric Sigrist, Blockbuster, La Chronique, mais aussi le podcast et les émissions de l'été, il y a tout sur franceinter.fr.